Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait.